Tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 374. Tout va bien se passer. Nous sommes le mercredi 2 mai, ça c'est juste pour vous prouver qu'on est en direct. Et l'album de la semaine, c'est Back to the Egg. Back to the Egg, sorti en 1979 par Paul McCartney. Et c'est mon album chouchou. Donc on va écouter Reception, Getting Closer, So Glad to See You Here, que j'adorerais entendre en première chanson, s'il te plaît, Paul. Entrée de jeu, début du concert, So Glad to See You Here. Ce serait génial, ça aurait de la gueule, ça, monsieur, dame. Et t'es encore capable de le sortir, Paul, j'en suis sûr. Donc, oui, oui, oui, cette chanson-là. Il y aura également We're Open Tonight, Speed Is On, il y aura To You, il y aura After the Ball, Million Miles, Winter Rose, Love Awake et d'autres, parce que j'aime tellement cet album que je vais tricher. Et après tout, c'est moi le patron, hein. Donc je vais tricher. Il y aura un peu plus de Paul McCartney ce soir. Et c'est tant mieux. Retrouvez-nous sur Facebook pour dans le groupe La Saga des Fab Four, pour pouvoir discuter, pouvoir mettre des images, pouvoir faire ce que vous voulez, me dire bonjour, vous dire bonjour, nous dire qu'on s'aime. Bref, c'est ça, RIG. C'est sur 90.7 pour ceux qui peuvent nous écouter en FM, mais pour le reste du monde, peut-être de l'univers à ce qu'il paraît, c'est sur www.rigfm.fr. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée. Vraiment, le mercredi maintenant, c'est de la super hyper bonne musique, c'est fantastique. Et tant mieux, parlez-en autour de vous, c'est uniquement ici sur RIG. to the Egg est le 7e et dernier album studio de groupe Wings, paru en 1979. Il montre une nouvelle formation du groupe, puisque le trio de l'album précédent, formé par le couple McCartney et Danny Lane, est rejoint par Lawrence Juber et Steve Holly. Face à la vague punk, McCartney répond avec un album de rock vivant dans la veine de Helter Skelter et offre également quelques ballades. Revers de la médaille, l'album comprend peu de chansons restées célèbres, hélas, et les singles qui l'accompagnent se vantent mal. La critique se montre très mitigée concernant Back to the Egg. L'accueil du public est aussi relativement froid. Remarquez, écoutez ce qui est écrit après. L'album se classe 6e au Royaume-Uni et 8e aux États-Unis, où il est cependant disque de platine. Bon, un accueil froid où l'album est quand même 6e et 8e, moi je prendrais, hein, j'aimerais bien. Unique album des Wings à paraître chez Columbia sur le continent nord-américain, Back to the Egg sera la fin des années 70, une époque où le punk rock faisait des ravages et relègue le groupe de McCartney dans la catégorie des dinosaures du rock. Le trio formé par McCartney, sa femme Linda et Danny Lane est renforcé par l'arrivée du guitariste Lawrence Juber et le batteur Steve Holly pour enregistrer un album de rock brut, comme le prouve notamment le titre Old Siam Sir qu'on écoutera, et des ballades. McCartney invite aussi une vingtaine de musiciens rock de talent tels Pete Townshend de Who, John Bonham et John Paul Jones de Led Zeppelin, David Gilmour de Pink Floyd à faire partie de son orchestra, avec lequel il enregistre l'instrumental Rockestra Theme que vous connaissez puisque c'est le générique de l'émission. Et sa pièce So Glad to See You Here qu'on écoutera aussi. Et McCartney se retrouve avec Gilmour en 1984 pour la chanson No More Lonely Nights de l'album Give My Regards to Broad Street, puis en 1989 pour We Got Married, pour le disque Flowers in the Dirt, et à nouveau sur l'album Run Devil Run, paru en 1999. On y retrouve également sur cet album The Broadcast, une pièce expérimentale où une mélodie jouée au piano et orchestre accompagne la lecture d'un titre tiré du livre The Little Man de John Galsworthy et lu par Harold Margary, je connais pas tout ça, propriétaire du château Limt dans le Kent, datant du 12e siècle, dans lequel le groupe travaillait. Sa femme, Deirdre, a également lu un extrait, cette fois dans la chanson de Puddle and the Pug, tirée de l'opéra Big Band, écrit en 1946. On peut l'entendre sur la pièce Reception. Bien que Goodnight Tonight, sorte de rock disco, sorti en single en mars 79, connaît un succès public, Back to the Egg, quant à lui, ne fait pas l'unanimité. Si la critique est mitigée, je l'ai dit, donc les ventes seront un petit peu moins bien, quand même. 3 500 000 exemplaires dans le monde, et c'est un album sous-estimé, c'est un album que j'estime être une masterpiece, un chef-d'œuvre. Karma's gonna get you, gonna knock you right on the head. You better get yourself together, cause you're soon you're gonna be dead. What in the world are you thinking of? Laughing in the face of love. What on earth are you trying to do? It's up to you. Karma's gonna get you. Gonna look you right in the face. Better get yourself together, darling. Join the human race. Gonna get you. Gonna knock you off your feet. Better recognize your brothers. Everyone you meet. the stars and the sun. Sorti en 1970, cette chanson, ce single de John Lennon met le point d'orgue aux Beatles, mais ce que je voulais dire par là, donne le ton, voilà, c'est là où je voulais en venir, donne le ton de ce qui sera la carrière solo de John Lennon à partir de 1970, c'est-à-dire une voix avec un écho, avec un mur de son si possible, c'est grâce à Phil Spector et ce sera très très bien comme ça. On aime bien hein, cette chanson-là, c'est une preuve, c'est un bon succès Instant Karma, c'est un bon truc de John Lennon.

sincèrement, quelle belle chanson, quelle fantastique chanson, extrait de Abbey Road, Something, en 1969. Forcément, Something fut la première composition de George Harrison à sortir en face A d'un 45 tours des Beatles. Les deux sources d'inspiration furent son épouse, Patty, et un morceau de James Taylor sorti en 1968, Something in the Way She Moves. James Taylor était un artiste américain qui avait signé sur le label Apple, et dont le premier album, simplement intitulé James Taylor, ils font souvent le coup, à un moment donné ou à un autre de leur existence, les artistes, en appelant l'album par leur nom, avait été produit par Peter Asher entre juillet et octobre 68. Paul tenait la basse sur un morceau, Something in the Way She Moves, et c'était la dernière plage du disque. Et les paroles commençaient par « There's something in the way she moves » or « Looks my way or calls my name that seems to leave this troubled world behind ». Quelque chose dans la façon dont elle bouge ou me regarde ou m'appelle qui me fait oublier ce monde troublé. Les Beatles enregistraient l'album blanc dans le studio d'Abbey Road à l'époque où Taylor enregistrait son album éponyme dans les studios Trident dans le quartier de Soho. Le 3 octobre, George enregistra Savoy Truffle qu'on écoutera avec Paul et Ringo dans les studios Trident et tous entendirent certainement l'album ce jour-là. J'ai toujours supposé que George avait entendu cette chanson mais nous n'en avons jamais parlé, explique Taylor. J'avais composé Something in the Way She Moves 2 ans avant de l'enregistrer et bizarrement, je voulais d'abord l'appeler I Feel Fine, mais ce titre était bien sûr déjà pris par une chanson des Beatles. J'ai souvent remarqué des traces de chansons d'autres artistes dans mes compositions, poursuit Taylor. Si George a consciemment ou inconsciemment emprunté un vers de l'une de mes chansons, alors je considérerais cela comme un compliment. Ce n'est pas quelque chose de rare en musique. J'avais fait passer une maquette de Something in the Way She Moves et 7 autres chansons au bureau de Apple 2 ou 3 mois avant de rencontrer Peter Asher. Je sais que Paul l'a écouté là-bas. Je ne sais pas qui d'autre a pu l'entendre. George a dû composer Something en octobre car il a plus tard déclaré qu'il avait travaillé sur le piano du studio 1 alors que Paul réalisait des surimpressions dans le studio 2. La seule raison pour laquelle Something ne fut pas incluse dans l'album blanc était que la sélection finale des titres avait déjà été faite. George proposa Something à Joe Cocker et à Jackie Lomax, puis en mai 69, décida de l'enregistrer avec les Beatles pour Abbey Road. Something fut un immense succès et devint la deuxième chanson des Beatles la plus reprise après Yesterday. Elle fut chantée notamment par Ray Charles, Frank Sinatra et Smokey Robinson. On revient à l'album de la semaine avec cette chanson que je veux entendre en début de concert. Montez le son les amis. So glad to see you here. À fond sur RIG. animateur radio, un homme et le The Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur Érigé, la saga des Fab Four. En 1967, pour l'album Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band, John Lennon s'inspirait d'une affiche simplement pour Being of the Benefit of Mr. Kite, pour écrire la chanson. En 1968, un an plus tard, George Harrison s'inspire d'une boîte de chocolat pour écrire Savoy Truffle, puisque son ami Eric Clapton se bourrait de chocolat et puis il arrêtait pas de lui dire « Si t'en manges un de plus, on va te retirer toutes les dents ». Et bien tout ça, les noms des chocolats et tout ça est dans la chanson. Et bon, c'est une chanson sympa. J'aime bien, c'est sur l'album blanc, c'est pas ma chanson préférée, ni ma chanson préférée de George Harrison, mais c'est bien quand même. D'ailleurs, on retrouve George, 2 ans plus tard, en 1970, une chanson qui est restée longtemps dans les placards, parce qu'il avait suffisamment de chansons pour ressortir son triple album, mais lorsqu'en l'an 2000, il a fait un remaster de l'album All Things Must Pass, il nous a très gentiment inclus cette chanson-là qui manquait, I Live For You, sur l'album All Things Must Pass, donc à partir de l'an 2000. Et c'est une belle chanson. Merci, George. On retrouve tout de suite sur RG. My swell goodbye. Only you keep my eyes open wide. Yes, it's true. I live for you. That is grown in this darkness. I wait for the day. Yes, it's true. I live for you. John Lennon qui montrait à Ringo Starr comment chanter la chanson. Oui, parce qu'elle se retrouve sous l'album de Ringo Starr en 74. Thank you. Il aurait pu la sortir, hein, cette chanson. Cette version est bien aussi. Parce que donc, apparemment, Ringo a besoin qu'on lui chante la chanson pour s'y mettre aussi. Elle est parue sur l'album Anthologie de John Lennon en 1998. L'album Anthologie 4 Dakota, si vous voulez tout savoir. Bon, c'est un coffret. Il y a 4 CD dedans. Donc, forcément, si vous achetez le coffret, vous aurez la chanson. Elle ne figure pas, je crois, dans l'Anthologie Highlights ou Once Upon a Time. Pas sûr. Ayez peut-être. Je ne l'ai pas sous la main, l'album, donc je ne peux pas vous dire. Je vous propose de revenir à ce fantastique album de la semaine, album qui s'appelle Back to the Egg. Il est paru donc le 8 juin 1979. Il a été enregistré entre le 28 juin 78 et le 1er avril 1979. Et est-ce qu'on peut dire quelque chose? Je crois que j'ai tout dit. C'est un album génial qui mériterait vraiment une surexposition. J'espère qu'il va être réédité en coffret. Vous savez, lorsqu'il fait ses nouvelles éditions, Paul McCartney, j'espère que le prochain ce sera lui, parce que ce serait vraiment fantastique. Il est noté sur le label All Music seulement 2/5. Je trouve ça franchement déplorable, parce que c'est vraiment un très très bon album. Voici la chanson que je vous propose d'écouter. Ça commence par We're Open Tonight et ça continue avec Spin It On sur RG. L'album de la semaine, Back to the Egg. Paul McCartney est sur RG. Spin it on, don't stop, take it back to the top. retrouve dans pleine vague punk, ça se passe bien ça, c'est plutôt sympa. C'était Paul McCartney et les Wings, le dernier album en 1979. Je vous propose de remonter le temps jusqu'à l'année 1963. Premier album des Beatles, l'album Please Please Me with the Love Me Do and 12 Other Songs, et ce titre, Misery, sur RG. Let's go. De l'année 1963, mais il me semble pas sur le même album. La Misery était extrait de l'album Please Please Me, je l'ai dit, mais Little Child vient de l'album With the Beatles en 1963 également. Je vous propose deux autres Beatles, mais d'une année exceptionnelle, puisque c'est l'année 1964, durant laquelle il y a eu des légendes qui sont nées, soi-disant. On écoute I'm a Loser, tiré de For Sale, et A Hard Day's Night, tiré de l'album A Hard Day's Night, tout de suite sur RG 90.7. I'm a loser, I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Of all the love I have won or have lost, there is one love I should never have crossed. She was a girl in a million, my friend. Should have known she would win in the end. I'm a loser.

Avec un petit peu d'avance, nous allons aborder la cover. La cover, vous le savez, c'est le moment où quelqu'un, un artiste connu ou pas, peut-être vous, reprend une chanson chantée par John, Paul, Ringo, George, que ce soit avec les Beatles ou en carrière séparée. Séparément, donc, les Beatles, John, Paul, Ringo, George. Même si les Beatles eux-mêmes, à un moment donné de leur discographie, ont repris une chanson de quelqu'un qui datait d'avant encore. Par exemple, je sais pas, Little Richard ou Chuck Berry ou qui vous voulez. Eh bien, cette chanson-là, là, c'est quelqu'un classe. Il a été James Bond. C'est sur l'album de George Martin, In My Life, sorti en 1998. C'est parlé, mais quelle classe. Voici In My Life, dit par Sean Connery sur RIG. There are places I'll remember all my life. Though some have changed. Some forever, not for better. Some have gone, and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead, and some are living. I've loved them all. Friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. Stop and think about them. In my life, I'll love you more. In my life, I'll love you more. Saga des Fab Four, c'est sur RIG. Fault. Now let's paraît que George Harrison avait trouvé le nom de l'album Extra Texture Read All About It simplement sur un paquet de spaghettis. Il y avait marqué Extra Texture Read All About It. Parce que le problème qu'avait George Harrison, entre autres, c'était qu'il n'arrivait jamais à trouver un nom pour une chanson, voire pour un album. Il avait des difficultés. Néanmoins, c'est un très bon album de 1975 que je vous conseille, notamment pour cette chanson-là, pour d'autres. C'est bien, c'est un bon album. Achetez-le. Voilà, on retrouve ce qui a été une découverte pour moi, parce que vous savez que Ringo Starr a eu une période faible entre 75 et 81, et les albums de ces dates-là, je ne les écoutais pas. Et puis à un moment donné, pour vous d'ailleurs, je me suis dit tiens, je vais voir s'il n'y a pas des chansons bien dedans. Et j'en ai trouvé plusieurs, comme quoi même dans des albums pas bons, il y a des chansons bien. Voici, extrait de l'album Rotogravure, qui est pas mal cet album-là, c'est un des derniers, pas encore trop mal, mais il y a des faiblesses. Extrait de l'album Rotogravure, une chanson que je n'écoutais pas et que depuis quelque temps j'écoute grâce à vous. You Don't Know Me At All, par Ringo Starr, c'est plutôt très sympa. George Harrison, John Lennon, Ringo Starr et Thierry Gallet. Quatre garçons dans le vent et un animateur extraordinaire. C'est la saga des Fab Four, bien sûr, et c'est sur RIG. Hello, this is Paul McCartney. Penny Lane, there is a barber showing photographs. Behind his back, and the banker never wears a mask. shaves another customer. We see the banker sitting waiting for the trim. And then the fireman pushes in from the pouring rain. Very strange. Penny Lane is in my ear and in my eye. Beneath the blue suburban skies, I said I'm being wild. Penny Lane is in my ear and in my eye. Beneath the blue suburban skies, Penny Lane. Rien à dire, 1967, extrait de l'album Magical Mystery Tour. On est 51 ans plus tard, c'est toujours vachement bien. Allez, on retrouve l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Back to the Egg. Et voici un nouvel extrait, Winter Rose Love Awake. C'est le moment de danser avec votre partenaire. Moi, je vais en choisir une, je vous ne dirai pas qui. Le plus dur pour moi, c'est d'arrêter le disque, parce que j'ai bien envie de le laisser tourner. J'adore cet album Back to the Egg. Revoici Ringo Starr en 1981 et ce titre Dead Giveaway. Je crois que c'est la première fois qu'on le passe dans la saga des Fab Four. Yeah. I think the piano maybe is better. I just realised to stop struggling. Hello? Yoko? Yeah. Well, he's long, long lost John. Yeah, long, long lost John. Well, lost John standing by the railroad track, waiting for the freight train to come back. The freight train come back, but never make no stop. Lost John thought he'd have to ride the top. Well, he's long, long, long lost John. By the railroad track, waiting for the freight train to come back. The freight train come back to never make no stop. Lost John thought he'd have to ride the well long, long, long John. Oh, yeah. I got in about a half past three. You don't look out, she's gonna spew on me. I'm on a ride, a railroad film. I'm gonna try. Hello, Richard? Mal. Mal. I'm defunct. That's one of the problems. Si j'avais entendu avant qu'il disait Yoko, comme ça, j'aurais coupé. Mais j'ai pas écouté pour une fois. Cet extrait de, encore une fois, les inédits, les anthologies de John Lennon. Et c'est à Ascot cette fois-ci. Anthologie 1, Ascot, sortie toujours en 1998. Et voilà. Ce qu'on pouvait dire. Long Lost John sur RIG. Et voici une très belle chanson de Paul McCartney. Un petit bonus que je vous offre. Waterfalls sur l'album McCartney 2 en 1980. Don't go jumping waterfalls. Might wanna take you home. Mercredi de 20h à 22h sur rjfm.fr. Et c'est avec... Avec Kiki. until I do, I'm telling you so you Ma belle sont les mots qui vont très bien ensemble. Dans quelques minutes, Eric the King sont les mots qui vont très bien ensemble. Très bien ensemble. After the ball, after the ball, you were the one out in the hall. You were the one who would love me after the ball. Plus que 10 minutes d'émission, on n'arrête pas la musique. George Harrison en 1981, Life Itself sur RIG. Permettez de dédier la prochaine chanson à Alexandra. C'est fait. C'est pour toi, Alexandra. Woman de John Lennon sur RG. Woman, I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. Feeling and distance, don't keep us apart, I love you forever. And dernière chanson de la saga des Fab Four avant d'écouter Johnny de A à Z, Eye to Eye sur RG. So long ago. Well, nothing's changed, and if you don't believe me, look out your window. I wonder why we gotta try to see eye to eye to eye. What's mine is yours, what's yours is mine. When we see eye to eye to eye. Choses, mais si vous avez vu le post-générique des Avengers là récemment, vous avez vu que Nick Fury lâche un petit appareil dans sur lequel on voit un logo. C'est le logo RG et il y a marqué Johnny de A à Z de 22h à minuit. Est-ce que ça veut dire que Eric Gallo aura un rôle dans Avengers 4 pour détruire Thanos? Vous le saurez plus tard en écoutant son émission Johnny de A à Z. A très bientôt, salut les filles et prenez-nous en garçon. Ciao. Merci Thierry. Et vous savez aussi que Thierry, on le retrouvera lors du prochain Avengers, car Thierry est le maître du temps et récupérera sa pierre. Pourquoi Thierry est le maître du temps? La preuve, ce soir, il est encore en retard.